violences conjugales, bonjour. Je vous écoute. Je m'excuse de vous déranger, mais je suis battue. Je vous appelle parce que mon concubin m'a frappée plus que d'habitude. Je ne suis pas battue à mort, mais je n'en peux plus. J'ai un petit problème, comme beaucoup de femmes. Live écoute d'Alice Buteau. Épisode 1. Ça peut arriver. Comme comment elle s'appelle, que m'a raconté Federica, tu sais, elle avait sa copine avait genre 35 ans, quelque chose comme ça, et elle a épousé un homme beaucoup plus âgé qu'elle, presque deux fois son âge. Et le lendemain de leur mariage, elle s'est réveillée avec les cheveux blancs, mais complètement blancs, quoi. N'importe quoi. Bah si. Bah, qui veut du poulet? Si je veux dire, ne me contredis pas. Oui, je veux bien, ouais. Du blanc, une cuisse. Non mais on peut pas se coucher brune et se réveiller complètement avec des cheveux blancs. Je veux bien ta cuisse. Enfin, je veux bien, enfin la cuisse. Je veux bien, si, la cuisse, je te dis que c'est arrivé, mais c'est non. Arrivé. Merci. Liv, c'est un prénom américain? C'est d'origine scandinave, ça veut dire vie et aussi refuge. Mais tu l'as vu? Tu la connais, cette femme à qui c'est arrivé? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Non, mais c'est mon amie Federica que tu connais qui m'a raconté. Cette femme, c'est une amie de sa mère. Non, bah alors si c'est une amie de sa mère. C'est marrant, c'est toujours à une amie d'amie de quelqu'un que personne ne connaît qu'il arrive ce genre de choses invraisemblables. Vous avez jamais remarqué que les personnes qui vivent avec des gens plus âgés fréquemment vieillissent? Oui, ça c'est vrai, oui, oui. À l'inverse, ça existe aussi. Le plus vieux qui essaie de faire plus jeune. Hein, Jean? Serpent. Ah oui, ça marche dans les deux sens. C'est du mimétisme amoureux. Hein, non? Ah, Jean, tu es amoureux. Mais oui, mon amour, je te la présenterai un jour. T'as imaginé que l'un décide inconsciemment de rajeunir tandis que l'autre vieillit? C'est terrible. Remonter la rivière en battant désespérément des bras contre le courant ou se laisser... couler. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'âge qu'on a? Non, ce n'est pas terrible, c'est affligeant. Ils n'assument rien, ces gens-là. Et le pire, c'est qu'ils le font pour les autres. Pourquoi pour les autres? Pour éviter aux autres de penser à la mort. C'est à ça que les gens pensent, hein. Au sexe et à la mort quand ils les voient. N'importe quoi. J'ai mis de l'ordre dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Excuse-moi Mildred, mais je crois pas une seconde à ton histoire de cheveux blancs. Eh bien tant pis pour toi, Jean. N'en dégoûte pas les autres. Tu ne veux jamais croire aux bonnes histoires. Tu ne veux croire qu'à ce qui est plat, terne et stupide. Je ne supporte pas t'entendre juger de ce qui est vraisemblable ou pas. C'est pour ça qu'on ne va plus au cinéma ensemble. Si le film n'est pas aussi cynique que lui, monsieur le procureur prononce une sentence catégorique et sans appel. Je suis pas cynique. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi, hein? Ta mère te lisait pas d'histoire avant de te coucher? C'est la télévision qui t'a déglingué? Oh, mais la vôtre, alors. Eh oui, à toi, Mildred. À ton ivresse, sérum de la sombre vérité de ton âme. Oui, bah moi j'en ai une. C'est déjà ça. À mon naufrage. Oui, santé. Santé. Santé. Ça me fait penser à Max. Il avait quoi? 17 ans? Il a vécu un choc. 16 ans. 16 ans? Un choc et vlan. Il a perdu tous ses cheveux. Mildred, je voulais le dire. Bah si tu voulais le dire, fallait le dire. Comment j'aurais pu le dire, puisque tu l'as dit au moment où j'allais le dire? Oh, ça va, tu nous barbes. Je raconte mieux. À 16 ans, c'est dur, hein? Hey, la boule à zéro. Et si tu racontes mieux, c'est uniquement parce que tu extrapoles. Souvent, elle invente. Je le sais. Elle oublie que je suis là. Que j'étais là, que je connais la vérité. Que je connais la vérité. Je l'entends mentir devant un public d'oie blanche, mais je dis rien. Elle n'a pas besoin de moi pour se ridiculiser, n'est-ce pas, chérie? C'était quoi, le choc? Le choc? Oui. Mais Max, le choc. Mildred. Oui. Ah bah, Jean ne fait plus rien marcher depuis qu'il m'a. Pas plus son cortex préfrontal que la machine à laver. Pourquoi se fatiguer? C'est toi qui nous fatigue, Mildred. Va faire un tour, tu veux? Elle a l'alcool lyrique, mais très mauvais. Va faire un coulo. Repose cette assiette. Ne me fais pas ça, Mildred. On n'est pas chez nous, là. Rassieds-toi, Mildred. C'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce que je disais? Que tu avais oublié pourquoi Max avait perdu ses cheveux. Ah oui, c'était il y a longtemps. Je pourrais l'appeler, mais il va pas très bien en ce moment. Ah bon, qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il s'ennuie beaucoup à son travail et il aime pas les gens. Les gens de son travail? Enfin, les gens en général. Les gens l'énervent. Il me dit qu'il contient sa rage contre les gens, partout, tout le temps. Il voudrait vivre à la campagne, avant que ça explose sur les trottoirs. Pourquoi il ne part pas? Christine. Sa femme. Elle peut pas, elle est allergique. À la campagne? Oui. à l'herbe, tout. Aux petits oiseaux. J'ai honte pour toi, ma pauvre. Oh, excuse-moi de rire, d'être joyeuse. Liv, est-ce que je t'ai raconté comment j'ai rencontré Pierre ? Ça te fait chier. Non, non, non, comment ? De ne pas avoir réussi à me museler. Hein. On était au lycée ensemble. De ne pas avoir éteint ma flamme. On s'était pas vu depuis 20 ans. Avec ta noirceur et ton ennui. On s'est croisés sur le web, sur une page des chercheurs de sosie anonyme. Plus tu me tues, moins je me tais et plus je vis, tu vois. Sarah Bernard, sors de ce corps. Tu veux pas aller prendre l'air ? Sérieusement ? Un jour, je te promets, je mettrai du cyanure dans ton whisky et je danserai autour de ton corps inanimé comme une brique de lait. Mais une brique de lait, mais oui, mais oui. Liv, tu trouves pas que Pierre ressemble à Philippe Risoli ? À qui ? Philippe Risoli, le juste prix. Ah, ça va, arrête. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est un flic. Je suis capitaine. Vraiment ? Oui. Ah, pardon. Ah, c'est pas grave. Tu rougis. C'est joli. Restez seuls, les amis. Célibataire, je vous envie. Je me suis jamais sentie aussi vide et aussi moche, moi. Et ça, c'est à lui que je le dois. Qui veut finir le blanc ? Il est bon, non ? Ah oui, mais je veux. Allez, Mildred. Pour le dessert, glace. Quelque chose de plus fort ? Là, si, j'ai un petit cognac. Sinon, le dessert, je commence à avoir de plus en plus peur, car avant il frappait sans haine. Je suis violent. J'en ai vraiment marre d'être violent comme ça. Mon mari me fait dormir par terre depuis 17 ans. C'était Liv Écoute, d'Alice Buteau. Avec Marie Dompnier, Liv, Florence Janas, Mildred, Olivier Balazuc, Jean, Benjamin Egner, Pierre. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud, Yannick Magnin. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Sophie Haute-Picon.